Interview Copyleft versus Sabam de DJP, prise 124. Hello, I am DJP. Je fais de la musique depuis les années 80, des groupes, des chansons, des musiques pour spectacles et films. Depuis 2000, c'est sous le pseudo DJP l'invention et la fabrication d'instruments hybrides avec diverses recherches sonores et improvisations. Je diffuse toute ma musique librement, sous licence art libre. J'ai réalisé quelques interviews comme celle à laquelle je vais me livrer tout de suite, mais j'ai préféré écrire et lire pour gagner en temps pris sur des interminables. Alors, qu'est-ce que pour moi que le droit d'auteur ? J'y entends surtout une grosse arnaque linguistique, car ça aurait dû s'appeler la rente sur l'exploitation de ses œuvres. Là, on croirait avoir affaire aux vrais droits, comme pour les droits de l'homme, de la femme, des enfants. Il y en aurait aussi pour les artistes. Les musiciens et gens de la scène pourraient librement s'exprimer sur la voie publique, pourraient bafouer les heures de tapage nocturne, tout ça. Non, non. À la place, ils touchent leurs droits d'auteur. C'est un truc qui remplit ou pas un compte en banque, une somme d'euros qui est ce à quoi on a droit. C'est un peu comme si on remplaçait le mot rente ou salaire par droit de l'homme. Puis-je vivre de mes droits d'auteur ? Certainement jamais. Je suis inscrit à la SABAM en 1990, mais je les ai vite reniés en prenant un pseudo. J'ai toujours fait du libre ou cédé mes droits à ceux qui utilisaient mes productions publiquement. Les personnes qui peuvent vivre de ça sont au sommet de la gloire, ou l'ont été. Les autres se contentent de plus ou moins de cacahuètes. J'ai récolté quelques cacahuètes pour des cassettes, pour des lives, j'ai eu quelques gros contrats même, mais jamais de quoi vivre. Que penser du téléchargement libre et pirate ? Le libre, c'est clairement tout sympa. Ces gens qui offrent gratuitement et librement leur production, qui s'en plaindrait ? À part des requins. Bon, on n'y trouve pas tout, même s'il y a de tout. Le site Dogmazic contient des millions de morceaux, tous sous licence libre. Ils sont écoutés à grande échelle, puisque mes statistiques personnelles depuis 3 ans font état de 370 000 écoutes et 34 000 téléchargements, ce qui est énorme. Personne n'est obligé d'écouter ces musiques, elles sont juste là à disposition. Le piratage et la mise en ligne des choses copyrightées est un phénomène inévitable. Normalement, le piratage s'exerce juste plus discrètement. Ici, sur le net, c'est la grosse foire. Donc la répression s'abat. Ce qui est le plus argumenté contre le piratage tient en ceci. La copie, c'est du vol. Ce n'est pas parce que ça sonne bien que c'est vrai. Ce qui caractérise le vol et le classe parmi les méfaits, c'est que l'un dépossède l'autre d'un bien, ce qui entraîne la privation de cette chose pour la victime. Avec la copie, on ne prive personne de son bien. On démultiplie et on offre. On abolit par là un privilège des riches, mais on fait tomber le vol à zéro. En fait, la copie, alliée au libre-échange, sont l'antidote au vol. Ceux qui luttent contre sont, à mon avis, les vrais voleurs. Au fond, les maisons de disques, sociétés de droits d'auteur, ne composent pas, ne font pas de musique. Leur commerce a pris tant d'importance que les artistes sur lesquels ils reposent sont de simples marionnettes à faire tourner la boîte. Des grosses boîtes, qui depuis toujours prospèrent en vampirisant, il faut bien se le dire. Le boulot d'une maison de disques est de fabriquer des albums et de les distribuer. Si une part des gens se contente à présent de MP3, autant dire que ce service en devient obsolète. Ou qu'il s'agit de cultiver l'intérêt pour l'objet et la qualité. Interférer sur le libre-échange de choses immatérielles et gratuites comme des octets sur le net n'est en réalité pas de leur ressort et n'a rien à voir avec leur domaine. Le copyright freine-t-il le partage ? C'est même là son seul but, freiner, mettre le holà, inventer des règles, des autorisations spéciales pour finalement vendre et acheter ce qui apparaîtrait naturellement libre comme une chanson. D'office, quasi tout le monde floue le copyright à petite échelle. Avant, c'était sur cassette, alors que c'était bien marqué sur le disque qu'on ne pouvait pas. Il y avait des trafics de cassettes avec du plagiat des stars. Puis les films sortis de vidéothèques qui commençaient par une annonce d'interdiction de location. Ça a toujours prospéré. Il y a toujours eu l'offre et la demande. Et les choses ont toujours circulé. Le copyright en fait juste un jeu du chat et de la souris. J'ai fait vers 2005 une reprise de Rhapsody in Blue de George Gershwin que j'ai rejouée au potentiomètre avec des générateurs d'ondes extrêmement basiques. L'objet est assez drôle et en me renseignant pour le diffuser, j'ai appris qu'il était passé dans le domaine public en 2007, mais seulement en Europe. Aux USA, il reste copyrighté au moins jusque 2019 à 2027. S'en serait à souhaiter que Gershwin meure 20 ans plus tôt, puisque c'est normalement 50 ans après la mort de l'auteur qu'il tombe dans le domaine public. Ma version ne peut pas se diffuser sur Dogmazic, puisque Dogmazic est accessible aux USA. On sent bien que le copyright met un gros frein au partage. Comment je vois le partage de la culture ? C'est trop complexe pour approfondir. J'en dirais principalement qu'il s'agirait de bien définir le terme culture qui ne se limite pas à être art et divertissement. La culture englobe aussi les comportements sociaux, les habitudes alimentaires, l'hygiène, la médecine, plein de choses que cultive notre société. Ce qu'on entend aujourd'hui par là, c'est art et divertissement. Et encore, l'art uniquement s'il est divertissant. Internet apparaît comme la grosse banque mondiale de données où s'abreuver de culture comme jamais auparavant. Pourtant, je crois que c'est à l'échelle locale et à dimension humaine que la culture doit se passer, dans la proximité et même dans l'idéal entre voisins. C'est une affaire de transmission entre générations aussi. Quelle a été mon expérience de la SABAM ? En 1990, avec un pote, on participe à un concours pour un générique de série. Avant d'envoyer notre maquette, on s'inscrit à la SABAM, chacun sous son nom. On a le choix entre payer 1000 BEF, donc 25 euros, pour un an, ou réussir un examen de composition pour être membre à vie. Comme on ne connaît pas le solfège, on paye. Un pote bassiste retranscrit le morceau et on le dépose. On gagne le concours, mais la prod n'a pas les subsides et le projet tombe à l'eau. Un an plus tard, je reçois de la SABAM un document à signer pour devenir membre à vie. Je calcule du haut de mes 25 ans le nombre de fois 1000 BEF que je peux m'économiser jusqu'à la retraite. Et je signe naïvement. J'ai toujours cédé mes droits pour des travaux de commande, comme avec le Musée d'Afrique centrale pour qui j'ai fait plusieurs jingles d'expo destinés à passer abondamment sur les radios nationales. J'étais bien payé pour le job, puis basta. Dans un premier temps, j'ai voulu travailler avec des Africains car je trouvais un peu nul que ce soit un petit blanc qui rafle ce contrat. Mais aucun des Congolais et Sénégalais à qui j'ai proposé n'a voulu céder ses droits. Peu importe le budget. Bref, le temps a passé en se passant de la SABAM. En 97, j'ai fait la bande-son pour un spectacle pour enfants, Petit Loup. C'est pour un vieux pote dont la compagnie a tourné énormément l'année précédente. Ils ont dû payer à peu près 600 euros à la SABAM. Si c'est libre de droit entre nous, on se partage cette somme en plus de mon salaire. Je veux donc me désinscrire vite fait de la SABAM, mais non, il faut des formulaires et poser sa démission. Et puis, petit détail, il y a un an de préavis. C'est trop court. J'ai envoyé un courrier pour expliquer que j'avais été inscrit contre mon gré et que je me méfiais de poser ma démission quand on voit ce qui est arrivé à ce pauvre Patrick McGowan dans Le Prisonnier. J'ai donc pris le pseudo de DJP qui sont mes initiales à perdre dans la rubrique DJ. Donc me voilà, DJP. L'autre, il est toujours à la SABAM qui ne lui a plus jamais coûté ni rapporté un centime. Eh bien merci et à la prochaine. Salut. On écoute DJP en 2008. dates avec des morceaux de moi sont déjà passés à la radio. Passage à la radio.